Exercice 12, page 169. A. Madrid. Adresse. Ardoise. Tendresse. Sandrine. B. Tristesse. Artiste. Entrée. Étroit. Troué. C. Malpoli. Applaudi. Simplement. Complet. Exemple. D. Fleur. Golfeur. Siffler. Fleuve. Réflexe.